truc de psychopathe. ADN, démocratie corrompue. vent, contrariant. Debout nous sommes, debout nos serres. Vibrate for me, yo. Vibrate for me. body. I've got the rhythmical pulse with everybody. I've got the pulse. I've got the pulse. I've got the Rien ne manque au triomphe de cette civilisation. Non. Ni la terreur politique, ni la misère affective. Non. Rien ne manque. Thank you. rien ne manque. I was too late, I'm sorry. Thank you. motherfucker. Thank you. Et encore. Thank you.

la question, c'est que t'es contre les draps, t'es dehors. Crois-moi, deux fois tu crois que t'es pas dans les draps, mais là, j'ai pas encore, c'est ça la question. Crois-moi, deux fois, t'es entre les draps. Like a conscious. Terence, rally round the family with you. About the plinth, about the touch, about the sense, about the low. Just because we are human, human. After all, after all, after all, after all,